Galerie West, non loin de Wish City. Le grand dirigeant s'adressait au creuseur en plein milieu de la galerie, debout sur une estrade avec pour entourage quelques-uns de ses conseillers et son adorable petite fille capricieuse Mila. Elle aussi savait. Comme Booz et moi, elle avait vu les rats. Comme Booz et moi, elle avait rencontré les persévères. Et il nous avait dit ce soir-là que les rats allaient détruire Wish City. Et que nous étions, nous trois, les seuls à pouvoir les arrêter. Pardon, non mais je rigole, mais deux creuseurs, dont un gros imbécile et une petite chippie en plus de ça, en voilà de beaux héros. Évidemment, vous êtes tous bien conscients que vos confrères, les bâtisseurs, auront à bâtir après que vous ayez fini de travailler. Il est normal qu'eux ne soient pas requis pour notre grande armée. Mais s'ils auront la gloire et la fierté de construire l'extension de notre grande cité qu'est Wish City, vous, oui, vous, gentil creuseur, vous aurez l'honneur de mourir en héros. Si jamais, bien sûr, les rats nous attaquent, ce qui est loin d'être une évidence, nous n'avons eu pour l'instant qu'à subir de petites escarmouches. Et bien bientôt. Oui, oui, bientôt nous serons à même de nous venger, car bientôt, mes rats, nous mordrons la cité des gnomes dans leur cœur et nous sortirons armés pour nous attaquer aux hommes. N'est-ce pas, petite fouine? Ravencraft, je m'appelle Ravencraft. Mais c'est comme vous voulez, comme vous voulez, Seigneur Ratis. Rapidement cette galerie, moi. Ça fait mal, la guerre? Ben, ça dépend par où ça passe. En plus, tous les Bifouiches, on se bat jamais. Ouais, mais apparemment, même si on est Bifouiches, tant qu'on est des creuseurs, on sert un peu à tout. Je n'ai pas envie de faire la guerre, Squeak. Ouais, moi non plus, Boss. Moi non plus. Nous marchions au milieu des baraquements en direction de notre secteur, le plus au sud de la galerie. Là où, avec quelques centaines d'autres, nous agrandissions la galerie ouest. Squeak! Squeak! C'est Mila. Chut, me faites pas repérer. Elle s'était cachée entre deux baraquements dans une semi-obscurité. J'ai hésité. Mais venez. Allez, viens, Booz. On a de la roche à creuser. Bah, et Mila? Viens, je te dis. Squeak! Bon Dieu, Squeak! J'y crois pas. Me faire ça à moi. Squeak! Alors même que nous nous éloignions, Mila s'était lancée derrière nous, prenant le risque d'être vue en notre compagnie. Une fois de plus, elle avait dû semer la garde de son père et son père lui-même. Squeak. Il devait même la rechercher dans toute la galerie depuis la fin de son discours. Hey Squeak, il y a Mila qui court derrière nous. Moi je veux bien que tu sois fâché contre elle, mais quand même, c'est comme s'il y avait un fût de la meilleure bière de roche qui attendait qu'à être revu là. Tu sais, Boost, ton fût qui court derrière nous, ben je crois que la bière elle est éventée depuis longtemps. Squeak! Écoutez-moi au moins 5 minutes, s'il vous plaît. Je me suis arrêté. Boost s'est cogné contre moi, surpris. Tu t'arrêtes maintenant? Qu'est-ce que vous voulez au simple creuseur, Mila, hein? Vous êtes encore blessé, hein? J'ai appris que vous aviez échappé au rat. La rumeur va vite, vous savez. Et alors, vous vous inquiétez pour moi? Moi, si j'avais été là, je suis sûr que j'aurais aussi réussi à échapper au rat, hein, Mila, hein? Ah, oui, Booz, je suis sûr que vous aussi vous auriez... Enfin bref, j'ai vu un rat au palais, Squeak! Hein, oui, c'est normal, ça doit souvent vous faire cet effet-là quand vous passez devant une glace. Bah merde, alors t'es vache! C'est le plus beau canon de... Oh, pardon, Mina, vous comprenez ce que je veux dire? Ok, vous le prenez comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi je vous vouvoie, toi? Je suis la fille du grand dirigeant et je te vouvoie alors que t'es qu'un... Fraser, voilà, vous l'avez dit avec autant de mépris que d'habitude. Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas m'arrêter? Oh, pardon, excuse-moi. Tu peux me dire tu si tu veux. Très bien, tu... Oui? Tu dégages. J'ai tourné les talons devant un Booz ébahi. Squeak! Squeak! Le rat du palais. Il était dans un labo. Ils l'ont disséqué, mais il est encore vivant. Il m'a parlé de la chef, Squeak. Il m'a parlé de Ratis. Je me suis arrêté. Oh ben non, ça commence à bien faire, hein. Tu choisis maintenant. Soit on va creuser, soit tu t'arrêtes pour parler avec Mila. Je me suis retourné à nouveau. Mila restait là, près des baraquements, et derrière elle, les milliers de creuseurs s'activaient. Quelques soldats fouillaient la foule, sûrement à la recherche de la petite fugueuse. Son père s'inquiétait pour elle, sûrement. Mais elle risquait ses foudres pour me parler, là, seule, perdue au milieu des creuseurs, les mains jointes, les yeux baissés, comme une petite fille apeurée. Viens, ils te cherchent. Entrons dans le baraquement. Ils te retrouveront après. Bah, fouille.